Chapitre 25. Une autre fois, conduit par mes rêveries, je me trouvais par hasard à l'enlèvement des Sabines. Je vis avec beaucoup de surprise que les Sabins prenaient la chose tout autrement que ne le raconte l'histoire. N'entendant rien à cette bagarre, j'offris ma protection à une femme qui fuyait. Et je ne pus m'empêcher de rire en l'accompagnant lorsque j'entendis un Sabin furieux s'écrier avec l'accent du désespoir : « Dieux immortels, pourquoi n'ai-je point amené ma femme à la fête ?